C'est Skyrock et c'est Joke, notre invité, entre 20h et 21h, à pas louper tous les soirs de la semaine. Et pour cette dernière, ce soir d'ailleurs, on va parler un petit peu d'avenir. L'avenir, c'est évidemment une tournée. Une Joke. Tournée à partir de novembre. D'octobre, excuse-moi. Octobre-novembre. Ça commence à Montpellier le 16. À la maison, à domicile. 16 octobre. 18 octobre à Marseille, à La Franchie. 30 octobre à Toulouse, à la Dynamo. 1er novembre à Lyon, Ninkasi. 6 novembre à La Cigale, à Paris. 7 novembre à Nancy. 15 novembre à Senon. 29 novembre à Rennes et 5 décembre à Lille. Voilà, pas louper la tournée de Joke. Et toi, l'avenir, tu vois quoi alors pour toi Après la tournée, là. Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que j'aurais déjà commencé l'album. Pour 2015? Pour 2015, donc je pense que je vais finir l'album après la tournée et puis ça va sortir ça en mai sûrement. Il y aura d'autres projets un petit peu avant aussi, comme tu l'avais fait, des EP peut-être? Ouais, un projet sûrement avec Titan et Bips. Un petit EP ou une mixtape. On va voir avec ça, votre collectif. C'est ça, les messieurs. Les messieurs. Voilà, ce sera courant de l'année 2014 ou 2015. Ou début 2015. À pas louper pour l'avenir de Joke. Sinon les paroles, sur tout ce qui est sujet, thème, etc. Tu penses développer, aller un petit peu plus loin aussi sur. Tout dépend de ce que je vais ressentir quand j'écouterai les instrus en fait. Tu vois, comme je t'ai dit, je travaille toujours à l'instinct, donc quand j'écouterai les instrus, je verrai ce que j'ai à dire dessus quoi. Je suis pas encore entré dans le processus, mais on verra bien. Mais après, je te garantis rien. Je verrai tout ce qui m'arrivera dans la tête au moment où j'écouterai ça. Bah, il faudra suivre ça, il faudra suivre Joke sur les prochaines années en tout cas. Et puis cette tournée, aller le voir en concert. Yes. T'aimes bien c'est j'aime quoi les, j'aime les lives. T'aimes les lives? Ouais, j'aime. Ou t'aimes être en studio? J'aime les deux. L'ambiance studio. J'aime les deux. C'est pas du tout la même chose. L'ambiance studio, c'est de la création, c'est autre chose. Dans les deux trucs, je rentre dans une forme de transe un peu, tu vois. Mais en studio, c'est autre chose. En studio, c'est un peu. Je sais pas comment dire. C'est une transe. C'est spécial. C'est pas de la rage, c'est un autre type de transe. Après, en live, c'est plus de la rage, c'est de l'énergie, quoi. Et ça fait toujours plaisir aussi de sentir l'énergie des gens, tout ça. Donc, tu te souviens de ta toute première scène, toi, la toute première fois où t'es monté sur scène? Ma toute première scène, j'avais. Je devais avoir 10 ans. C'était avec la brigade. C'était aux alentours de Montpellier en fait. J'ai fait un petit freestyle avec eux. Tu t'es retrouvé comment en fait, ouais, sur scène? Comment je me suis retrouvé avec eux? En fait, ils avaient fait une séance de dédicace dans un magasin qui s'appelle Majestic à Montpellier. Je suis parti là-bas, je leur ai fait un freestyle. Ils ont aimé ce que j'ai fait. Ils ont dit, allez, viens. Voilà, c'est ça. Ils m'ont dit, allez, viens ce soir, tout ça, tu viens. Au début, je suis rentré avec eux dans les loges, tout ça, on a discuté. Ils m'ont dit, tu veux monter sur scène, tout ça, rapper un truc, j'étais prêt, donc je l'ai fait. Ah ouais, t'as pas eu peur, t'as pas ressenti de trucs, le coup de flip? Non, quand j'étais petit, ça allait, tu vois. Tu réalises pas ça en fait. Bah, tu fonces, même pas ce que tu fais, tu fonces. T'es dans ta ville. C'est ça. Donc il peut rien t'arriver quoi. Ouais, j'étais au calme. Et ça, c'est un moment fort, tu te souviens de ce moment? Ouais, de fou. J'aurais aimé avoir des vidéos de ça, mais bon, je pense pas qu'il y ait. Qui sait? Si on nous écoute, si vous avez des vidéos d'un passage donc de la brigade, c'était quelle salle? Tu te souviens de la salle? C'était en plein air. En plein air. En plein air, donc c'était pas dans une salle. Donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Ouais, c'était je pense en 2001 ou en 2000. Donc si vous avez ces images, pourquoi pas? Il y a un petit gars qui était sur scène avec la brigade, c'était Joke. Voilà. Et là, il est avec nous entre 20 et 21. Il a bien grandi, le petit gars, avec cet album qui s'appelle Ateyaba, qu'on va découvrir encore ce soir. Qu'est-ce qu'on passe comme morceau maintenant? On va passer Pharaon. Pharaon? L'intro de l'album. Ouais. Pour dire cette histoire de trans que je te disais, là, quand j'ai écrit ça, là, j'étais en trans pour de vrai. Et je pense qu'on le ressent aussi. Ah, bah, tu le ressens, ouais. C'est vrai que dès que tu le mets, celui-ci. Il y a un truc spécial. C'est le morceau qui ouvre l'album, il y a un truc particulier, c'est quoi. C'est ça, ça a été produit par l'Ethnie Frey qui est là. En septembre, octobre, une nuit. Non, celui-ci, ça a été fait il n'y a pas très longtemps. Ah, c'est un des derniers morceaux, celui-ci? Pas un des derniers, mais disons que. C'est un peu dernière minute, ouais. C'est dernière minute, mais tout l'album s'est fait un peu en dernière minute. Donc, ça fait partie du pack qui s'est fait à la fin. C'est les 15 derniers morceaux, quoi. Et bon, on l'écoute maintenant sur Skyrock. Voici Pharaon. Appelle ton Goumara, négro. Voilà, pour la avec Dieu, je sais que ma chance est déjà garée. Adéa Bras s'est battu pour la France, n'a pas vu Paris. Fonce dans un mur, disparaît, c'est la loi carré. J'attrape toute la nuit pour claquer mon but en soirée. Les pétards sont possédés, les meufs bien sont désemparés. Mais le prince est déjà barré. Qui nique leur mère avec leur avis, qui nique leur mère avec leur conseil. J'suis le meilleur, je jure sur ma vie. Qu'un mec déterre me prouve le contraire. J'ai rien contre le trône, mais ma vie, j'vais m'en emparer. J'ai une image de marque, j'suis ici pour les entailler. Demande à Oumar, on vient pour tous les empailler. J'ai du feu dans mon cahier, gros, j'ai du feu dans mon cahier. On veut la pépite minimum. L'album est sorti, le feat c'est 15 000 minima. J'suis dans la city berline de luxe comme Kinima. Avec l'intégrale digital, Kylie Minima. Dieu le rap, je baise et je l'esquive minima. J'veux pas un château, il me faut une presqu'île minima. Je vais passer, il faut un strep style minimum. C'est rage, je pareil, songe, je l'envoie ce feu qui s'immole. M'amène, m'amène. Hey. M'amène, m'amène. Vu comme les choses se passent, je vous considère plus comme des auditeurs. Je vous considère comme des témoins. Oh. Regarde, négro. Appelle ton boomer, hein. Je touche sur la tête. Qui s'amuse avec mon caca. Faut pas mon âme à la bête. Hein? Parle à la nuit, crée la magie sans la magie. Merde. J'suis remonté comme si venu à la nage. J'parle à la nuit pour corriger mon obélisque à Paris. Le soleil se fiche par un ouvert à Paris. Arrête. Dois honorer mes ancêtres. Parce qu'ils en ont chié. On se traire à la dette. Tout ce qu'ils nous ont pillé. Si tu crois Dieu, dis-lui quel mec. En plus d'esclaves. Fils de Kémet. Athéa bas dans les bacs. Bah là, ce morceau énervé. Très énervé. Ultra fâché. Blaster à la Real. Le Knif regarde la prod. Ouais, ça méritait d'aller jusqu'au bout au moins de ce morceau avec c'est la prod ça. À la fin. Donc morceau énervé qui s'appelle Pharaon. Pharaon, c'est ça. C'est vrai qu'on a du mal à te reconnaître dessus tellement il y a une ouais, puissance dessus. Il y a quelque chose qui se passe. Même moi, ce morceau, en fait, j'ai l'impression que c'est pas moi. Donc ouais, c'est spécial. C'est spécial. Tu te souviens quand tu l'as enregistré, il y avait une transpartie. Je me souviens très bien. Ouais, c'était spécial, c'était spécial. L'atmosphère même dans le studio, c'était spécial. Vous avez enregistré où? Sur Paris un peu. Sur Paris, dans le studio GoldenEye, en fait. Tout l'album à peu près s'est fait dans ce studio là. J'étais en studio avec Connex. J'aime pas trop être en studio avec beaucoup de monde, donc c'était Connex et moi. Sur la plupart des morceaux, on était tout seul, quoi. No homo. Qu'est-ce qu'il y a, Omar? Tu veux ajouter quelque chose? Non, je l'ai dit. Il l'a dit, donc c'est cool. Ah ouais, non mais. Sur Skyrock, le Planet Rap avec Joke, le morceau qu'on écoutait à l'instant s'appelle Pharaon. C'est le morceau qui ouvre l'album, justement, l'album qu'on peut télécharger tout de suite et légalement. Légalement. Je précise, allez-y. Sur iTunes. Allez-y, allez cliquer. On va mettre un autre titre aussi de Ateyaba avant de passer aussi au freestyle dans quelques minutes. Téléphone. Avant de passer à ça, faut vous dire qu'il y a le clip de Vénus qui est disponible. Donc clip de Vénus bien sur la chaîne 18h. Waouh. Sur la chaîne Vevo Joke MCP. Parce qu'on a eu un peu peur, on s'est dit qu'il arriverait pas et finalement il est là. Comme ça, surprise. Surprise. Voilà. Donc si vous voulez cliquer sur le morceau et découvrir Vénus, n'hésitez pas et faites vos remarques d'ailleurs avec le hashtag Joke sur Skyrock. Qu'est-ce qu'on écoute comme titre tout de suite? Tout de suite, on va écouter Ateyaba. Ateyaba. Big Up à Connex. Ça c'est le morceau, on en a parlé un petit peu en début de semaine justement, quand je te parlais des thèmes de l'album, ça c'est celui-ci où tu vas un peu plus loin, où tu ça c'est un morceau tu te livres qui, un peu. Ouais, c'est un morceau qui me tenait à cœur. Je sais pas si je me suis vraiment livré, mais c'est par rapport à. Il y a un début en tout cas. C'est ça, c'est en rapport avec mon expérience personnelle et aussi à ma famille, donc ouais, c'est un truc qui me tient à cœur à moi. Et bon, on le balance maintenant à Teyaba. C'est aussi le nom de l'album. Produit par Nabit Freak. Descendant des enfants de la vallée du Nil,

comme toi, Joke a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Joke, notre invité, pendant quelques minutes encore avant de le laisser partir en tournée dans toute la France. Ça sera à la rentrée au mois d'octobre, novembre. C'est ça. À pas louper d'ici là, il y a l'album Ateyaba qu'il faut apprendre par cœur pour justement profiter de la tournée. Pleinement. Pleinement de la tournée. Dans quelques minutes, un live à pas louper. Et là, un morceau qui s'appelle. Qui s'appelle 4 pattes. 4 pattes, produit par Lek Nifreg encore. Qui est là, peut-être qu'il a un mot à dire dessus. Non, aucun, c'est un morceau comme on les aime, un peu bête, tout ça, il en fallait un dans l'album, et voilà. Voilà, c'est une grande bêtise. Une grande bêtise, c'est vrai que c'est bien. C'est bien ça, il en faut un peu. Bah, parle-nous un petit peu par contre du travail avec Joke. Comment ça se passe pour bosser avec Joke? Est-ce que c'est quelqu'un d'exigeant? Est-ce que c'est exigeant? Oui, il est. Mais bon, après, on arrive à s'entendre sur certains trucs et ça va, ça colle bien, tranquille. Et vous, quand vous faites écouter un son, c'est exactement ce que vous devez mettre dans ses oreilles. Ça colle bien. Parce que ouais, franchement, on arrive bien à s'entendre sur ça. On a à peu près les mêmes goûts sur tout ce qui est musique, tout ça. Donc il y a pas de problème. Ça fait longtemps qu'on se connaît aussi, en fait. Ouais. On se connaît même avant de travailler sur la musique. Exactement. Donc forcément, ça crée des liens. C'est ça. Et le morceau s'appelle 4 pattes, c'est extrait de l'album Ateyaba tout de suite. Dans ton cul, dans ta chatte, dans ta chatte, dans ton cul, dans ta chatte, dans ta chatte. Fini à 4 pattes, fini à 4 pattes, fini à 4 pattes. Fini à 4 pattes, fini à 4 pattes, DH 4 pattes, fini à 4 pattes, DH 4 pattes. J'ai une tonne à vitraver, je donne pas les détails. Des barres d'or, des pavés, nique l'état, les petits comptes épargne. Mes négrins, les mètres carrés, les curons, les femmes dépravées. Bitch en escarpin, aime la surface, je la retourne au fond comme papa. On est sur les nets, dans les chattes les plus soyeuses. Wow. On en sort la mitrailleuse. Je vise pas les meubles, j'ai des livres dans les clubs. Je transforme les sorties entre copines. On tousse pas. Mets de la coke dans ton mouchoir, je sers pas du à soupe. On est sur le nerf. Dans ton. Dans ta chatte. Dans ton. Dans ta chatte. Dans ton. Dans ta chatte. Dans ton. Dans ta chatte. Fini à 4 pattes. Fini à 4 pattes. Fini à 4 pattes, fini à 4 pattes, fini à 4 pattes, DH 4 pattes, fini à 4 pattes, DH 4 pattes, on est sur les nerfs. Pour me qualifier, aucun épithète. J'ai un soi qui rend les filles bêches. Fréquente pas trop les concerts de rap. J'ai peur de marcher dans ces petites merdes. Présente le quartier sur les lunettes. 1000 francs Q10 en Audi Q7. Q7, c'est Joe qui plus sec. Tu sur l'achat de l'archiduchesse. Check, c'est que Joe qui plus lec. Bien sûr, c'est ma bistouquette. Quête, la France pompe l'Afrique pour quelle dette. Je suis plus frais que le jour de la guerre. Transforme les sorties en copines. On tous pas. Mets de la coupe dans ton mouchoir. Bien, je danse sur ma pouca. On est sur les nerfs. Dans ton, dans ta chatte, dans ton, dans ta chatte, dans ton, dans ta chatte, dans ton, dans ta chatte. Fini à 4 pattes, fini à 4 pattes, fini à 4 pattes, fini à 4 pattes, fini à 4 pattes, DH 4 pattes, fini à 4 pattes, DH 4 pattes. Si t'es un négro bourré, ouf, lève la main en l'air. Si t'es un bac tout bourré, merde, lève la main en l'air. Si t'es un noir, je suis bourré, lève la main en l'air. Si t'es un rebe bourré, lève la main en l'air. Chill. On est sur le nerf. Wow. Ateyaba, ma nègre. Lek Nifreg, ma nègre. Fini à 4 pattes. Fini à 4 pattes. Ah. 4 pattes à l'instant C'est ça. Morceau. Une bonne bêtise. Une petite bêtise à l'instant de l'album Ateyaba de Joke. C'est ce qu'on écoutait sur Skyrock. Avant de passer au live d'ici quelques minutes, il est grand temps de passer au freestyle de Nahir de Bobigny. Salut Nahir. Ouais. Ça va bien Nahir? Ouais, tranquillement. Hein. En pleine forme? En pleine forme. Tu connais Joke? Ah bah oui. Tu as l'album ou pas de Joke, Nahir? Bien sûr, j'étais le pécho direct. Oh, c'est vrai? Ouais, j'étais le pécho. Bah terrible. En CD toi, c'est mode CD? En CD, par contre. En CD, bah c'est bien. Très bien. Hein. Au calme. Ceux qui préfèrent l'objet soutenir. Comme toi, bah voilà, faut soutenir. Faut soutenir. Et bah là, on va te soutenir en freestyle, Nahir. C'est parti, c'est pour toi. Ok. Ouais. Ouh. Ok. LDG. Ouh. Ça fait. Check. Hey, on parle pas, moi je ne plaque pas. Fais le malin chez nous, on te rate pas. T'as vu le niveau, t'as pris une tas de pas. Tu peux aller dire aux autres que tu ne rappes pas. Ils sont fous, très vite perdent leurs yeux courts. Quand ça prête les yeux doux. Un clic clic boum, comme dans un Clint Eastwood. Et t'en as 10 qui courent. Je parle plus, je parle pour 2 secondes. Je t'accorde à 3, je rafale. Lève ta bécane en I comme les négros sur la dalle. J'aurais dû les allumer avec un chalumeau et du gasoil. Ouh. Ici c'est Boboche, on t'allume à Zelay. Tu peux demander à Official. Et quand je les ai pas enlevés, après le braco, aucun otage sera sauvé. Négro, on n'a pas tout fait. Je m'introduis dans le game, on paraît que je pars avec un trophée. Essaye de baiser ta serre, tu seras papa tonton. Après le rap, je fais de l'électro pour l'en mettre que des coups de taser chaque son. Ainsi soit-il, on te laisse en vie. Tu me dois du bip, tu te fais rafaler, tant pis. Ouh. 2-3 négros l'auront sûrement dans le mille. Nique sa mère le reste, elle TG l'Empire. Chut. Assis, va la vie. Ouh, assis, va la vie. Ouh, assis, va la vie. Parlons seulement bise. Tu me dois du bip, tu te fais rafaler, tant pis. Nique sa mère le reste, elle TG l'Empire. Ok. Chaud. Ok, Nahir, à l'instant, freestyle du côté de Boboche Bobigny. Ouais, merci à toi, ouais, Nahir. Ah, merci. Hein. C'était bon, on peut te retrouver sur le net. Tu veux balancer une... Vas-y. Il y a mon groupe, LETG. Partout, vous pouvez le trouver sur Twitter, LETG officiel. Facebook, LETG officiel. Il y a un clip qui est sorti il n'y a pas longtemps. Là, il y a mon premier solo qui va sortir ce mois-ci. Et je voulais faire une grosse dédicace à mon groupe, LETG, JRM, l'Arsenal, Améga Sur, Reflex, Yakuba. Et à mon manager Pizzi qui me soutient depuis le début. Et on va arriver fort cette année. Eh bah terrible Nahir, le message est passé. Ok, merci. Et bon courage, et à ton merci. Pote derrière aussi. Merci à toi Nahir en freestyle à l'instant dans l'émission. Juste avant de passer au live, on met Casino. Casino, avant ça, shout out à Evan et Maëline. Shout out à Khabi, à Boudjou, à Bendo, toute l'équipe. Allez, Casino maintenant, c'est extrait de l'album Ateyaba qui est dans les bacs depuis lundi. Joke. J'ai mes gars qui sont à l'arrière. J'arrête en permis, nique les barrières. On veut s'en sortir maintenant. Peu importe la manière. Béli, joyeux anniversaire, mon nez. Je leur fais l'amour dans la lumière. Je veux voir leur chatte quand je frappe ça. Je veux un trio comme 4 size. Des meufs qui se doivent quand je frappe ça. Dieu donne. Dédicace à Classic F, je sais que tu joues ce morceau, mon héros. Écoute la haine sur ma bouche, l'amertume sur ma bouche. Faut que je fasse des fils d'une italienne pour rider tout seul sur la route. Faut que je fasse des fils d'une italienne pour aider, mais c'est pour rire parmi elles. La chance est pour les chanceux. Tout le monde veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Tout le monde veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Hein? Les déroulent sur le tapis vert. Le charisme frappe ton imaginaire. Branche en bois sur lunettes quartier. Je vais en compte avec les chiffres de l'annuaire. J'aime pas Tony, mon gars, c'est Franck Lucas. Ride à Monte Carlo, Alain Ducasse. Fais gagner tes copines en à peine une passe. On renvoie les petites tasses, on leur efface une case. Même si les temps changent, on garde les sentences, ma mère.

dans la tête des négros. La France est venue faire ses courses, nous a mis dans une galère. T'as voulu commencer le rap, tu t'es mis dans une galère. T'es un négro, tu fais les bails, tu t'es mis dans une galère. Tout va bien, tant que mon salaire, je suis sur ton salaire. Bientôt je suis en couve d'Amina sur la Sainte Catherine. Débarque comme Katrina, puis sur les latinas. Viens, je fais ressortir ton côté animal. Enlève ton maquillage, viens tes glands lacrymales. Tu me tailles sur YouTube, un genou te rend visite. Avale du white spirit, avale mes centilitres. Si t'as 35 ans, t'es souffrant, ta gueule à mon signal. J'suis trop fort parce que dans ma tête, y'a un garçon qui parle. Fais des guerres où ma mère torche des vieux. Elle m'a élevé seul, le bon Dieu l'a vu de ses yeux. Parle d'elle et on débarque chez toi déguisé. De retour comme McFly, de retour comme les huissiers. Le système n'aime pas trop mon épiderme. Les sirènes, le système n'aime pas trop mon épiderme. Donc on avance sans les lois, on leur chie dessus. On avance sans les lois, on leur chie dessus. Dans les chevilles négro. Dans les chevilles négro. Dans la tête négro. Dans la tête négro. La France est venue faire ses courses, nous a mis dans une galère. T'as voulu commencer le rap, tu t'es mis dans une galère. T'es un négro, tu fais les bails, tu t'es mis dans une galère. Tout va bien, tant que mon salaire, chichi sur ton salaire. Man, à bas dans les bras, fuck. Hey, je crois qu'on va passer au freestyle maintenant. Hey, Azura, t'es prêt ou quoi? Négro. Freestyle, motherfucker. LMG, EMG. Ça va être historique, sa mère la pute. Yeah. Hey. Mon négro SS, c'est toi qui commence ou quoi? MTP, mon négro, je démarre. Hey. Ok. S. Woo. S. 3, 2, 1, ramé. Wow. MTP. MTP. Un petit peu poussi S, nègre sort de la salle ou tu passes à la trappe. Ouh. Un petit peu. Ok. Dédicace à mon négro Pat le Pim. Chip. Ok. Poussi nègre, j'me fais pas de bille, j'me fais sucer. Poussi nègre, j'me fais pas de thune, j'me fais du blé. Pussy niggas, kick le beat, fuck le sujet. Trop de pussy niggas. Sors un Glock pour les fumer. Jeune bip, c'est dans le fire. Crois-moi, j'fume pas d'air, homie, j'fume des négros. Le club est plein, mais le fric ailleurs. On a le premier chiffre, on prend les airs. Ta meuf me touche, mais seulement sur le flyer. Elle veut play, on lui fera une démo. Go et composé de mille savers, bitch. Agressif comme Jean Reno, range ta pussy. Millionnaire, dire la prophétie. Le rap game nous attendait comme Lionel Messi. Sors un lapin du chapeau, on sort un fusil sur ces négros pop. On m'écoudra t'enterrer en Russie. On s'en bat les couilles, on s'en bat les fouilles. On s'en bat les balles et toutes les douilles. On s'en bat les fous. Les négros ont la haine quand tu vois la Rolex. Je préfère prévenir que guérir, verront jamais la grosse caisse. Hey mon négro SS. Blech. Yeah yeah. MTP. Vas-y, notre négro. Vas-y, vas-y. Jazura, continue, envoie la sauce, mon négro, qu'on les kill. Wouh. Ok. Yeah. Ok. Yeah yeah yeah. Right. MTP. Okay. Yeah. Ok. Motherfucker, wanna act loco. Je les frappe dans les chats, vite, j'sors le faux. Flow est doux comme des alocos. Parle pas de moi, c'est à droite au gauche. Un torrent de mouille sur la verge. Vois les négros sur la berge. Ils sont comment les mots se marient. On dirait qu'ils ont vu la verge. Dis-moi pourquoi t'hésites, mais du temps. Tu peux un compte des mutants. J'ai la chance de l'expert. J'ai la chance du débutant. Si ta bitch se laisse faire, c'est pas entièrement de ma faute. Te jure que mon pote est cap sauté. Cette salle saute sans clapote. C'est pas facile tous les jours pour les négros qui vivent en France. C'est pour ça, si je rate malin dans une ruelle, j'y enfonce. Merde. J'attends que l'état m'attrape, que le juge me prononce la sentence. Bâtard. 400 ans de sale sur les noirs, nique sa mère la repentance, nègre. Pas facile tous les jours pour les négros qui vivent en France. C'est pour ça que si je croise ma reine dans une ruelle, je lui enfonce. J'attends que l'état m'attrape, que le juge me prononce la sentence. Ok. 400 ans de sale, T'enchaînes ou quoi, tu t'en? T'as rien dessus? Ok, j'enchaîne. Yeah. Hein, yo, les deux sont prêtes. On met des similés sur la capitale. Faire du capital. Mais vos gros sont bêtes. Elles nous ont dans la bouche les amygdales. Yo, j'ai pas de rivage. Me fais pépon. Un petit pro trop pompette. Monte sur le ring. Assemble de compète. À des millions d'années. Lumière de vos pédés d'ergumène. Pour la monnaie, je te tue, mec. Je le concède. Parle-moi de bif si tu veux qu'on traite. Déguise-toi en joke si tu veux qu'on te pépon. Tu comprends pas trop les punchlines. Gros, t'es con. On roule à 150 en ville. Fais le doigt d'honneur aux piétons. C'est pédé m'appelle à en masquer. Y'a qu'à Halloween que je réponds. Vous êtes pire que Hiro chez moi, tous ces missiles, vous foncez mal, je fais les fins de carrière. Je suis le Qatar, je suis à part, je suis 4 mois. Putain de sa mère, les mecs en avaient pas mal. Chaque jour je vous mets une banane, gros, j'amène ta meuf en balade. Capote Cadillac, Impala, imprévisible comme le loto. Un compas dans ta rétine, j'étais bercé trop près du mur. Une dose de crack dans la tétine, que de la monnaie dans la tête. Il me passe que des pattes dans l'assiette. Une balle dans le crâne et ça s'arrête, né dans la sauce. Bon appétit. Ok. DJ Azur, on enchaîne ou quoi, mon négro? Wouh! Yeah. Yeah. Yeah. Je fais du bif avec Oumar, les autres sont pas chauds. On voit les marbrés bleu, blanc, rouge jusqu'au drapeau. Ouh. M'appelle pas au téléphone, je suis sur écoute comme Marlo. Moi, je fais du bif avec Oumar, les autres sont pas chauds. Ok. Yeah. Je vais péter un 8 pour les hommes, ils n'ont pas de coke, pas de Air Force, y'a le Johnny. Pour évoluer être un artiste, vas-y prends le promis, tu vas la sentir. Dorémy face sur la sodomie. Money, alors je porte mon but jusqu'à la gonnie. J'envoie des faux secrets, des petits pis jusqu'à la folie. Money, voilà les messieurs, le nouveau lobby. J'ai qu'une voix négro, mais je rappe en polyphonie. Mon équipe ne subit pas la crise, traîne avec Louis XIV et j'encaisse des royalties. Être à découvert n'est pas admis, si t'as pas de bif, mais un gilet par balle, c'est ça la vie. Ils ont une dégaine poisson chat, pardonne-moi seigneur, j'ai encore péché. On m'appelle petit corps en bonne santé. Crache du feu, du numéro et méché. Tipi. Ok, et Ah, j'ai pu à Teyaba dans les bacs. Allez acheter ça. Ah, ok. Yeah, ok. Ici. À Teyaba. Ah. Ah, si t'es une chienne, t'es mon ami. De un petit pis jusqu'à Paris. Je vois tous mes frères qui se canalisent. Pendant que l'État nous baratine. Pour des caras sur la carabine. Veste à ras, veste à gamine. Vent pro de rose, poudre à narine. Trop obscur pour Anakin. C'était IT à la rime. Pendant que ta haine se banalise. Ta mère, ta femme se fanatise. Les messieurs testent pas la team. Je vais comme si t'étais jeu vierge. J'ai du talent avant tellement. Je crois que je pourrais être millionnaire. Je veux tuer sans main avec jumelles. Baiser une fille au père. Utilise ta langue si tu veux me faire un lavage. Bosser, je suis qu'un homme qui cherche en vain d'autres sphères pour arrondir ses fins de moi, ses fins de moi austères. Je vais être prospère, finir chez ta meuf, dans sa tête, dans sa chatte, dans sa chambre en poster. Hey yo, dis-moi qui est-ce. J'viens faire mon LIS jusqu'à payer l'ISF. Fais leur mettre des vitesses et je fais ça comme pas mi père. Tous leur faire des demi-frères. Dites-moi, boss et con, vie en. Ça a l'air de misère, les mecs. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Ah. Ah, rien à faire à part monnaie. Comme Lévi, je veux cartonner. Et si je fais des erreurs, seul Dieu pourra me pardonner. L'exomile dans le chardonnay. J'offre des couleurs à mes rêves, quelques trêves à mes douleurs. Me demande si la mort est brève. Et merde, je suis à deux doigts de bégère, mais je me dois d'exercer. Canalisation, car je me vois les percer. Buter tous ces fils de pute qui nous ont percés. Cuté, tu vas prendre cher. Comme un fist avec une Rolex, on m'a dit petit dans la vie, tiens ta langue. Ou tes promesses et j'ai promis de tenir ma langue. On glance sur ta pomme et tire des plans. Sur la comète, je me vois rail des berlines allemandes. A tes yabas dans les bacs. Nigga. Okay. Azura, change ça, mon frère. Wow. Wow. Yeah. Aïe. Yeah. Neuf. Yo, 9 mm, on commence esclave, on fait les mètres. On est dans les chats des midinettes, cassé dans la peau sur les lunettes. Les négros sont back dans les bacs, tu back dans les bacs de Vivaldi. N'a pas joué ton Grimaldi, si tu portes des surveillants Grimaldi. On vise la Maybach, pas avec la même plaque, c'est peut-être le même nègre, c'est pas le même plaque. 500 à intact, brûlure à l'impact. Trouve-moi chez ta meuf, la main dans un sac. Ma mère ne rage moins, comprend rien. Il laisse faire baiser par son parrain. Fais un follow back à sa meuf, viens serre mon machin. Dans son vagin, coupe au pain, au bord, saline au cyclone. Quand on rentre en cabine. On se propage sur les billets violés comme résidus de cocaïne. On sort les petits, les gros canivons. Les couples MC dans le caniveau. Le négro n'a rien à envier à ma rivo. Joue à la console, je remets le rap à niveau. Yeah. Right, t'enchaînes sur ça. Azur, enchaîne-moi ça, mon négro. Yeah, ok. Tu commences ou quoi? Vas-y. Cheer. Shit, putain, ça vient. Ok. Ok. Je vais. Vas-y, vas-y. Ok. Ok. Ateyaba. Hey. Okay. Yo. Plus des cassettes, plus des stylos, plus des stylos dans les cassettes. Près d'une Clio, pour mes chaussures, les appels taxi basket. On est dans cette, depuis la naissance, dans cette galère, comme les ancêtres. Pour les malsaines, pour les vicieuses qui te mangent si t'es pas dans ton assiette. Elle me suce pour mon 4 heures, yo, je l'appelle ma tasse de thé. J'suis un négro, raffiné, mange pas avec ses macaques, s'il te plaît. J'suis plus déter que le. Vu que j'ai une Rolex, je regarde plus l'heure. Négro, je fais tout ça pour jacuzzi. Je te laisse baigner dans ta sueur. Débarque sur ces négros. Ouais, substance, cellophane. Augmente taux de phéromone. De toutes ces bitches, Renoir, je débarque sur cette bande de bras cassés. 501 putain de cure matelassé. Rétro comme les stars, tac les beepers. Bouté sur le videur, gros casse life atlassé, négro. Saloperie sur saloperie, je fais que saloperie sur saloperie. Ta salopleur, j'la panoplie. Du Hustler comme Sarkozy. Là pour l'argent comme Sanofi. Quand je ferai des tubes comme Katoudik, je porterai toutes les lois sauf Adopi. Pour l'instant, je la morning, car je suis fauché depuis la naissance. Borné, je fous le feu, je rappe à récent. Je pousse d'élégance à son paroxysme. J'ai sans cul plus vos cracks. C'est pas ce que tu crois avec ta copine. Je la baisse d'un amour platonique. De retour de Tokyo, kick sa salle comme Promio. Ride la ville comme Tony Hawk. Gère les bails comme ton proprio. Non, non, non, t'es pas au niveau. T'es micro-pénis ou gros clito. Somme astronomique, méga astronomique. Pendant que tu bouffes dans les hôpitaux, lèche mes pompes, pompe-moi le skeg. Pendant que je recharge le pompe, 200 pompes tous les matins. Évidemment que je suis un pompe. La compte est père, fils de top. Par contre t'es ma bite c'est un sous-marin. Toujours calé dans le fond des mers. Ok, DJ Azur en chaîne, mon négro. Yeah. Aïe aïe aïe aïe aïe. Je sais pas. Yeah. Ok. J'aime le rap, j'aime les meufs des îles. Si j'ai de la chance, je réalise Batman au Brésil. Shit. Aïe. Ok. Je la prends à quatre pattes sous les deux tours. Mal à l'aise, produite par Blastar. Je suis obsédé par la baisse. Je pète à un indien pour lui offrir une petite rose à 50%. Je me fais bipolariser la grimo. C'est l'heure de faire une petite pause. Sortez le film rose. C'est comme ça que je vois la vie sous drogue ou sous hypnose. Je me ferai bien un massacre. Je le ferai avec plaisir. Rien que le beat dans son sanctuaire, elle désire. Trop nombreux, trop d'eau à couler sous les ponts. Elles aiment trop jouer de la flûte. Trop d'eau à couler sous la jupe. Je veux pas te faire un dessin. Faisons-nous un selfie. Tu verras le visage du destin ou son esprit. Je veux les clés de la Bentley. Je veux la Bentley aussi. Je veux piloter comme Tavares à Soul Sozy. Enregistre sur une boîte. Je te le dis en momie. Peu importe ton audio. Autant t'en passes en chromie. En vrai, je suis blanc albinos. Mais ma reine me voit pas. En vrai, je suis français. Mais ma reine me croit pas. Ok. Ça fait 10 ans que je te le dis, homie. Demain, c'est nous. Demain, c'est aujourd'hui. Attention, je vais sévir. Je vais te balancer un menhir. Bordel en volonté. Et je compte bien me servir. Marianne va descendre sur mon pubis. À nu. Bisous. Ça va mal finir. Plus mes cœurs à nu. Si le rap était du tennis, on serait la Coupe Davis. Méfie-toi, les standards à bas ne sont que les prémices. Shit. Malgré de nombreux services, je crois que Marianne n'aime toujours pas mon pénis. Elle aime toujours pas. Sans les mains, bitch. Je sais que mon freestyle t'a marqué. Comme Brahim Tavares dans un porno masqué. Shit, t'as été abattu dans les putains de bacs, négro. Mon négro SS. Merci Skyrock pour cette semaine. Merci à toi, frère. Eh ben merci pour ce live, on a perdu Pips en cours de route, on l'a perdu en cours de route sur ce freestyle à l'instant. Au Brésil, au calme. Ah, je crois qu'il revient, je crois qu'il revient à l'instant. Merci à Titan qui était aussi au micro avec toi. Merci à Titan, merci à Azura. On va rappeler deux trois choses dans un instant, mais juste avant on fait tourner la roulette. Allez, c'est parti pour la roulette. Sur Skyrock, ça va tourner avec des places pour aller voir Kev Adams en concert. La roulette sur Skyrock et puis la radio libre de Diffoul aussi qui se prépare dans un instant. Bougez pas. 200 places Kev Adams en exclu. Salut Jérémy de Villeneuve-d'Ascq, ça va bien? Salut, ça va Fred? Bah ça ouais, va. Écoute, en pleine forme pour conclure cette semaine avec toi, tu es prêt à faire tourner la roulette? Oui. Ah bah on y va. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ça tourne, ça roule. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... chercher. Et c'est Kev Adams, c'est deux places pour aller voir Kev Adams, la tournée 41 dates dans les Zéniths de France, c'est pour toi. T'as des... Un grand merci, je suis fan en plus. Eh bah terrible, bah, profite bien mon pote. Ouais, je vais venir avec ma copine et tout, je vais aller tranquille avec elle, je vais l'inviter, en plus elle est fan aussi. Ouais bah voilà, c'est fait. C'est chose faite voilà. Grâce à Skyrock. Un grand merci à Fred. Passe une bonne soirée, ciao, à ciao. Merci, bon courage. Hein. Eh bah ouais, bon courage et bonne soirée à vous tous. Merci, Joke, vraiment pour cette belle semaine. Merci à toi, Fred. On va rappeler. L'an prochain au calme. Bah, dès que t'as un prochain album, un prochain projet. Ouais, bah, l'an prochain. Donc 2015. Ah, si Omar. On sera là avant pour la tournée. Fred, il va nous accueillir. Très bien. Il y aura la tournée de Joke, il n'y a pas loupé. D'ailleurs, la date, on peut la rappeler. Il y a une date à la Cigale, à la Cigale le 6 novembre. Le 6 novembre, et puis les dates vont arriver plus tard. Voilà, il y aura une tournée dans toute la France pour voir Joke. Merci, messieurs. Bip, c'est Titan. Pas de soucis, Fred. Dernier message, petit dernier dédicace à passer, allez-y. Dédicace à personne. Voilà. Spécial dédicace à toi, Fred. Allez acheter le CD. Ou le digital. Et ouais, on peut cliquer dès maintenant. Allez cliquer dès maintenant. Profitez-en tout le week-end. Pour certains d'ailleurs, ce sera un week-end long d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à en profiter et à récupérer à Teyaba. Merci à vous tous. Merci Fred. Merci. Ciao, bonne soirée. On va retrouver D-Fool. Yes. C'est parti pour la Radio Libre. Exactement, la Radio Libre du vendredi soir. Merci Joe pour cette belle semaine. La Radio Libre, c'est parti. Oh là là, mais toute l'équipe fait son entrée. Romano arrive en courant dans le studio. En footing. Quel grand sportif. C'est notre Franck Ribéry à nous. Parce qu'il est... Ah, merci de la comparaison. Ça, c'est bon signe, ça. T'as pas mal au dos? Le pain. Je m'en branle. Oui, je sais, il y aura pas la Coupe du Monde, mais je sais pas sa gueule. On va en parler dans un instant de Franck Ribéry. Vous pouvez laisser vos messages là. Franck Ribéry qui n'ira pas la Coupe du Monde, on en parle tout de suite. Oui. C'est ce que je me disais aussi. Même si ça commence. Ça va être foireux, je sens. Cette année, c'est pas les embrouilles, c'est les éclopés. Oui, il y en a deux d'un coup aujourd'hui. Et Grenier aussi. Grenier et Ribéry qui n'iront pas la Coupe du Monde. Laissez votre avis, tiens, tout de suite sur le 41759skyrock.fm. Les applis Skyrock. Allez-y, faites péter tout ça. Nous, on fait tout péter ce soir. Dans combien? Allez, oh, mais ça va pas être long, ça, dit-le-donc, là. Dans une minute, on revient sur Skyrock. On revient et on démarre cette grande radio libre du vendredi soir en direct. C'est parti. Envie de mater la Coupe du Monde 2022.